Chapitre 12e. Vers les 3 heures de cette même après-midi, le capitaine Rake s'arrêtait sur le chemin de fer qui traverse le comté d'Essex à la station la plus voisine d'Ossory. Les informations prises sur place le convainquirent qu'il pourrait se rendre en voiture à St. Crux, y demeurer un quart d'heure et revenir à la station assez tôt pour y prendre dans la soirée le train de Londres. 10 minutes après avoir reçu ces renseignements, le capitaine se remettait en route et se transportait rapidement dans la direction des côtes. Après avoir couru quelques milles sur la grande route, le cocher s'engagea dans un réseau passablement embrouillé que formaient les chemins de traverse. « Sommes-nous loin de St. Crux ?» demanda le capitaine, que l'impatience commençait à gagner, les milles succédant aux milles sans que rien semblât annoncer le terme du voyage. « Vous verrez le château, monsieur, » répondit cet homme, au premier tournant de la route. Le premier tournant de la route les mit en vue d'une plaine découverte. En face de la voiture, le capitaine Raig aperçut une longue ligne noire se découpant sur le ciel, ligne formée par ces dunes qui protègent contre l'inondation les côtes basses du comté d'Essex. Le plat pays qui l'en séparait était coupé en tous sens par un labyrinthe de cours d'eau qui, de la mer invisible, arrivait en méandres fantastiques, rivière à la marée montante et canaux boueux ou jusants. À main droite se trouvait un étrange petit village, formé en grande partie de huttes en planches qui s'éparpillaient au bord d'un de ces courants alimentés par la mer. Sur la gauche, et un peu plus loin, s'élevaient les ruines sombres d'une abbaye, ayant pour annexe un corps de bâtiment long, bas et triste, lequel datait de loin et couvrait beaucoup de terrain. Un des cours d'eau que nous avons signalé, dont le comté d'Essex on les appelle « eau de retour » ou « backwaters », venait presque entièrement contourner l'enceinte du château. Un autre, allant en sens opposé, traversait le domaine et séparait une portion des bâtiments amoncelés sans beaucoup de symétrie, celle-ci à peu près en bon état d'entretien, d'une autre portion ne valant guère mieux qu'une ruine. Des ponts de bois et des ponts de briques, jetés à chaque pas sur ces cours d'eau, donnaient de tous côtés libre accès vers l'habitation. Pas un être humain ne se montrait aux alentours, et on entendait d'autres bruits que les aboiements roués d'un chien de garde au fond de quelque cour invisible. « À quelle porte arrêterai-je, monsieur ?» demanda le cocher. « Celle de la façade ou celle du fond ?»« Celle du fond, » dit le capitaine Raig, comprenant bien que moins il attirerait d'attention, moins sa délicate entreprise lui ferait courir de risques. La voiture traversa 2 fois le canal avant que le cocher parvînt jusqu'à un enclos de pierre d'aspect assez misérable. Devant une porte ouverte, dans la portion des bâtiments qui semblait inhabitée, se tenait assis un vieux serviteur à figure hâlée, fort occupé de terminer un petit modèle de navire qu'il sculptait au couteau. Il se leva pour venir à la portière de la voiture, relevant ses lunettes sur son front et passablement déconcerté, semblait-il, par l'apparition d'un étranger. « Mr. Noel Vanstone est-il ici ?» demande le capitaine Raig. « Oui, monsieur, » répondit le vieillard. « Mr. Noel est arrivé hier. » « Remettez-lui, je vous prie, cette carte, » reprit le capitaine, « et ajoutez que je l'attends ici le plus tôt possible. » Peu de minutes après arriva Mr. Noel Vanstone, hors d'haleine et fort empressé. Il soupirait, depuis quelques heures, après des nouvelles d'Aldborough. Le capitaine Raig ouvrit la portière, s'empara de la main que l'autre lui tendait, et l'attira sans cérémonie auprès de lui dans l'intérieur du cabriolet. « Votre femme de charge est partie, » dit tout bas le capitaine, « et le mariage se fait lundi. Ne vous agitez pas. Gardez pour vous tous vos sentiments. Ce n'est pas l'heure d'en faire montre. Appelez dans le château le premier domestique venu et donnez-lui 10 minutes pour faire lestement votre sac de nuit. Dites adieu à l'amiral et venez reprendre avec moi le train de Londres. » Mr. Noel Vanstone essaya vaguement de formuler une question. Le capitaine refusa d'y prêter l'oreille. « Nous causerons sur la route, tant que vous voudrez, » disait-il. « Ici, le temps est trop précieux pour le perdre en bavardage. Savons-nous si Lecante ne se ravisera point ? Savons-nous si elle ne reviendra point sur ses pas avant de s'embarquer pour Zurich ?» Cette considération imprévue et saisissante terrifia Mr. Noel Vanstone et le rendit souple comme un gant. « Que dira l'amiral ? » demanda-t-il, fort embarrassé. « Expliquez-lui, naturellement, que vous allez vous marier. » « Qu'importe maintenant que Lecante n'est plus là. S'il s'étonne que vous ne lui en ayez pas parlé plus tôt, Dites-lui que vous enlevez votre fiancée et qu'en ce moment même, elle vous attend. Un moment. Toutes les lettres qu'on vous adressera pendant votre absence arriveront ici, cela va sans dire. Remettez ces enveloppes à l'amiral et dites-lui de vous acheminer vos lettres sous mon couvert. Je suis un vieux client de l'hôtel où nous allons descendre, et même en supposant que nous le trouvions plein, nous pouvons compter que le propriétaire prendra soin de toute correspondance sur le couvert de laquelle mon nom se trouvera. Or, il est très important que vos lettres vous parviennent exactement à Londres. Savons-nous si le Kant ne vous écrira pas, une fois en route pour Zurich ? Quelle tête vous avez ! S'écria Mr. Noel Vanstone, se hâtant de prendre les enveloppes. Vous pensez à tout, sans omettre le plus menu détail. Il descendit de voiture dans une extrême agitation et rentra précipitamment au château. 10 minutes après, le capitaine Rake s'était dûment emparé de sa proie et les chevaux repartaient pour la station. Nos voyageurs arrivèrent à Londres le soir même, d'assez bonne heure, et trouvèrent un logement à l'hôtel. Connaissant la nature inquiète et méticuleuse du personnage auquel il avait affaire, le capitaine Rake avait prévu quelques difficultés, quelques embarras provenant des questions que Mr. Noel Vanstone pourrait lui adresser pendant leur voyage à Londres. Par bonheur, une découverte domestique, faite tout à coup et non sans grande émotion, absorba dès le départ toute l'attention de son compagnon de route. Par une négligence extraordinaire, Miss Bygrave se trouvait encore à la veille de ses noces, dépourvue de femme de chambre. Mr. Noel Vanstone déclara qu'il assumait sur lui toute la responsabilité, non de l'erreur commise, mais des soins à prendre pour la réparer. Il ne réclamerait en rien l'assistance de Mr. Bygrave. Il conférerait, dès l'arrivée à Londres, avec la maîtresse de l'hôtel, et lui-même en personne examinerait les prétendantes à l'emploi vacant. Il revint à chaque instant sur le même sujet, pendant toute la traversée. Pendant toute la soirée, à l'hôtel, il ne fit qu'aller venir dans le salon de l'hôtesse, jusqu'au moment où il l'eut littéralement contrainte de s'enfermer pour mettre un terme à ses visites réitérées. Dans toutes les autres démarches relatives à son mariage, il avait été relégué à l'arrière-plan et forcé de suivre pas à pas les prescriptions de son ingénieuse amie. Maintenant qu'il s'agissait de la femme de chambre, il réclamait enfin le rôle principal. Il ne suivait plus personne, il prenait la direction des affaires. La matinée du lendemain fut employée à obtenir la licence. Mr. Noel Vanstone, acceptant avec ardeur l'éminente fonction de témoin assermenté, et jurant en toute sincérité, d'après les renseignements fournis par le capitaine, que la future était en âge de disposer d'elle-même. Quand on se fut assuré de ce document essentiel, le prétendu revint examiner les certificats et les talents des femmes de chambre sans place que son hôtesse lui avait promis de convoquer, tandis que le capitaine Raig, pour affaire qui le concernait seul, dirigea ses pas vers la résidence d'un ami, lequel habitait un quartier des plus retirés, à l'autre bout de la capitale. L'ami du capitaine n'était pas étranger à la jurisprudence, et l'affaire du capitaine comprenait deux chefs bien distincts. Il voulait d'abord s'informer des conséquences légales que le prochain mariage devait exercer sur l'avenir du mari et de la femme. Il voulait ensuite s'arranger, d'avance, pour dépister les gens qui chercheraient à savoir ce qu'il serait devenu après avoir quitté Aldborough le jour même du mariage. Étant arrivé à ses fins dans l'une et l'autre des deux missions qu'il s'était données, il revint à l'hôtel, où il trouva Mr. Noel Vanstone, dont la dignité offensée se prélassait dans le salon de la maîtresse du lieu. Trois femmes de chambre étaient venues subir leur examen, et toutes, la question des gages venant à se débattre, avait impudemment refusé d'accepter la place. Une quatrième devait se présenter le lendemain, et jusqu'à ce qu'elle eût paru, Mr. Noel Vanstone refusait positivement de quitter Londres. Le capitaine Raig ne dissimula pas la contrariété que lui faisait éprouver l'inutile retard qu'allait subir ainsi leur entrée dans Aldborough. Mr. Noel Vanstone, secouant son petit chef têtu, déclara qu'il n'entendait pas badiner avec sa responsabilité. Le premier incident qui marqua la matinée du samedi fut l'arrivée de la lettre écrite par Miss LeCount à son maître. Elle était renvoyée à celui-ci dans une des enveloppes que le capitaine avait pris soin de s'adresser à lui-même. En vertu d'arrangements pris avec le garçon de l'hôtel, cette lettre fut apportée au capitaine, dans sa chambre à coucher, lue par lui avec la plus rigoureuse attention, et soigneusement dissimulée après cela dans un des compartiments de son portefeuille. Cette épître présageait de graves événements pour l'époque où la femme de charge reviendrait de Suisse, et c'était un devoir strict envers Magdalène de mettre sous ses yeux et à sa disposition le document qui la prévenait du danger. Un peu plus avant dans la journée, survint la quatrième prétendante aux fonctions de femme de chambre, jeune femme aux manières modestes, aux prétentions plus modestes encore, et qui, la maîtresse d'hôtel en fit la remarque, semblait familière avec le malheur. Les résultats de l'examen lui furent favorables, et sans murmurer, elle accepta les gages qui lui étaient offerts. L'engagement ratifié des deux parts, il y eut encore de nouveaux délais, dus, comme naguère, à un Mr. Noel Vanstone. Il n'avait pas encore décidé, à part lui, s'il mettrait ou non plus d'une guinée à l'anneau nuptial, et il perdit si bien tout le reste de la journée à courir d'un joaillier à l'autre, que ce fut à peine si le capitaine et lui, avec la femme de chambre qui les accompagnait, arrivèrent à temps pour prendre le dernier train qui, ce soir-là, quitta Londres. Ce fut fort avant dans la nuit qu'ils abandonnèrent le chemin de fer à la station la plus rapprochée d'Aldborough. Le capitaine Reig avait gardé, durant tout ce voyage, un silence contraire à ses habitudes. Son esprit n'était pas en repos. Il avait quitté Magdalène dans des circonstances fort critiques, sans personne qui pût veiller sur elle avec quelque efficacité. Aussi n'avait-il aucune idée de ce qui avait pu se passer à North Shingles depuis le moment où il en était sorti